J'ai vu l'envers, l'envers de l'homme. Carnaval, carnaval. J'ai vu le cul de ma tête. J'ai crié victoire. J'ai crié défaite. Carnaval, carnaval. La gueule de la conquête. Heure de gloire, heure des bêtes. Carnaval, je marche plus, je marche plus. Carnaval, je m'ajoutais jusqu'au bec. Carnaval, je marche plus, je marche plus. Carnaval, je marche plus, je marche plus. Carnaval, je m'ajoutais jusqu'au bec. Carnaval, je marche plus, je marche plus.